fiche. Les belladonna. À Cologne, dans le vieux temps, la belladone était commode. Le gars paresseux sur son banc pouvait dormir selon sa mode. Autour de minuit approchait, sans bruit, la donna qui rôdait et claquait et grondait et serrait et tirait et sautait et trottait et lavait et frottait. Et quand le gars levait la tête, la tâche de son jour était parfaite. Le charpentier sur les copeaux allait s'étendre tout à l'aise. Venait la donne au long bandeau, elle examinait le mélèze. Fronçait les sourcils, prenait les outils, essayait et piquait et levait et toquait, bretelait, martelait, visait comme un faucon et plaçait le balcon. Le charpentier, plein d'apathie, retrouvait sa maison déjà bâtie. Le boulanger avait du pain, la donna lui servait de gage, le mitron n'y mettait la main, la belladone aimait l'ouvrage. Elle s'essoufflait, puis amoncelait, secouait les bluteaux, pétrissait les gâteaux, enfournait, défournait, balayait et tranchait, et battait et hachait. Les mitrons ronflaient dans leur ruche, que déjà le pain frais ornait la huche. Même histoire chez le boucher. Le garçon vidait maintes coupes. Venait la donna pour hacher, de main porc fendait la croupe, aussi vitement qu'un moulin à vent. Et morceaux accrochaient, et filets embrochaient, dépouillaient et fouillaient, et massaient et mêlaient, emplissaient et foulaient. Le garçon quittait son amante, que déjà la saucisse était en vente. À l'auberge, le tonnelier buvait jusqu'à tomber à terre et s'endormait sous le cuvier. La belladone, avec mystère, mêchait les vaisseaux, souffrait les tonneaux, et roulait et levait avec moque et rivet, et rinçait et baissait, et versait, et coulait, mêlait et patrouillait. Le tonnelier regardait double, que déjà le vin doux n'était plus trouble. Il était un petit tailleur d'un habit gala bien en peine. Il jette l'étoffe et bailleur, fait en somme tout d'une haleine. La donne prend nid sur son établi. Elle taillait, brodait, et cousait, et bordait, mesurait, encadrait, ajustait, et lissait, et filait, et plissait. Petit tailleur dormait encore, que déjà son habit voyait l'aurore. Sa femme était fort curieuse, donc en guise de passe-temps, elle sème des pois rieuses et prépare son guet-apens. La donne a glissé, son pied s'est blessé. Elle choque l'étuve et roule dans la cuve. Elle tombe et retombe, elle crie et bondit, se lamente et maudit. Madame épiant sa sortie, va voir. Ouche, ouche, ouche, ouche, elle est partie. La voilà donc partie, hélas, et nous n'aurons plus sa visite. Plus moyen de croiser les bras, tout seul il faut faire son gîte. Chacun au destin prêtera la main, devra marcher, frotter, courir et trotter, nettoyer, charroyer, et heurter, et hacher, enfournir et trancher. Ah, si l'on redorait notre âge, mais l'âge d'or a fui comme un nuage. Noé ou la plantation de la vigne. Quand Noé sortit du bahut, le Seigneur vers Noé s'en fut. Il flaira son fin sacrifice et dit « Je veux être propice. Et puisqu'on te dit fort pieux, dis-moi quelle grâce tu veux. » Le bon Noé dit « Mon Seigneur, l'eau pour moi n'a plus de saveur depuis la noyade effroyable qui perdit tout homme coupable. Je voudrais donc, pauvre vieillard, boire un breuvage moins bâtard. » Le Seigneur entre au paradis et lui donne un cep de haut prix et dit « Cette vigne vermeille, soigne-la bien. » Il le conseille, puis bénit la voûte des cieux. Noé, sans mesure, est joyeux. Il fait appeler femme, enfant, et puis ensuite tous ses gens plantent des ceps sur chaque crête. Noé, pourtant, n'était pas bête. Dans sa cave, il presse le vin et trouve plus d'un tonneau plein. Noé, cet homme fort pieux, perçait ses tonneaux pour le mieux et les buvait à perdre haleine pour ne pas faire à Dieu de peine. Il but après l'événement encore 350 ans. De là, le sage peut déduire que le vin ne saurait pas nuire. Item qu'un bon et franc chrétien ne met jamais d'eau dans son vin, depuis la noyade effroyable qui perdit tout homme coupable. Un jour, par ce raisin vermeil du peuple, vous serez l'envie. Dans son nectar plein des feux du soleil, tous les arts puiseront la vie. Béranger. La belle Seynoise, complainte irlandaise. Jeune vierge de nos montagnes, déliez vos cheveux. Pour la reine de ces campagnes, faites les meilleurs vœux. Elle se baignait dans le fleuve impétueux, la jeune fille à la meneuve, aux minois merveilleux. Des jouvenceaux guettaient la blonde le long du bord fleuri. Vite, elle se plongea dans l'onde avant d'avoir rougi. Ô plaignez la belle Seynoise, le fleuve a tant mugi, elle a disparu la turquoise avant d'avoir rougi. Rouge pour une mouche qui la touche comme une grenade en fleurs. Sarah la baigneuse.